Chapitre 119, la ferme du père Guillaume dans l'Orléanais, les ruines de la guerre. Les maux de la guerre ne finissent point avec elle. Que de ruines elle laisse à sa suite quand elle a passé quelque part. Quelques heures après être partie de Paris et après avoir traversé Chartres, célèbre par sa belle cathédrale gothique, nos voyageurs descendaient du chemin de fer. Ils laissèrent dans la petite gare leur caisse de voyage. Puis, munis seulement d'un paquet léger et d'un bâton, ils suivirent à pied la route qui menait à la ferme de la Grande Lande, située dans la partie la plus montueuse de l'Orléanais. Ils marchèrent assez longtemps le long d'une jolie chaîne de collines au pied desquelles serpentait la rivière. Ils suivaient un sentier étroit, déjà ombragé par les feuilles naissantes des arbres. Au-dessus d'eux, les oiseaux chantaient dans les branches, fêtant le prochain retour du printemps. Julien, plus gai encore que les pinsons qui gazouillaient autour de lui, sautait de joie en marchant. « Oh !» disait-il, « quel bonheur ! Nous allons donc être tous réunis, et puis nous allons vivre au champ. » André partageait en lui-même la joie de Julien. L'oncle Franz se sentait aussi tout heureux, à la pensée de revoir son vieil ami le pilote Guillaume, et de s'installer auprès de lui avec ses deux enfants d'adoption. Il marchait depuis de bonnes demi-heures et n'avait encore rencontré personne à qui s'informer du chemin. Ils craignirent de s'être égarés. Afin d'apercevoir mieux le pays, ils montèrent sur un talus. Et Julien distingua, à 200 pas de là, derrière une haie, deux petites filles accroupies par terre, un couteau à la main, en train de cueillir de la salade sauvage. Il les appela pour qu'elles leur indiquassent le chemin. Sa voix fut plusieurs fois répétée par un bel écho de la colline. Malgré cela, les deux petites filles étaient si occupées à leur besogne qu'elles n'y firent point attention. « Mon oncle, dit alors Julien, je vais descendre la colline et courir près d'elles, pour leur demander le chemin. » L'enfant courut en avant, et s'approchant des deux petites, qui avaient levé la tête en l'entendant venir. « Est-ce que la ferme de la Grande Lande est loin d'ici ? » leur demanda-t-il. « Oh non, répondit l'aîné, dans 5 minutes on est chez nous. »« Chez vous, reprit Julien en regardant les deux enfants de tous ses yeux. « Mais alors, vous êtes donc les petites filles de Monsieur Guillaume ?»« Mais oui, répondirent-elles à la fois. » « Et nous, s'écria le petit garçon tout joyeux, nous sommes ses amis, et nous venons le voir. Peut-être bien vous a-t-il parlé de nous déjà. Je m'appelle Julien Volden, moi, et je sais votre nom à toutes les deux. Tenez, vous qui êtes grande comme moi, vous vous appelez Adèle, dit Julien, en désignant l'aînée des petites, et votre sœur, qui est plus jeune, s'appelle Marie. Elle a 5 ans. » La petite Marie se mit à sourire. « Notre père nous a parlé de vous aussi, Julien, dit-elle. Il vous aime beaucoup. » Et les deux enfants regardèrent Julien avec intérêt, comme si la connaissance était désormais complète entre eux. Julien, enchanté, reprit aussitôt. « Vous devez être bien contente à présent d'avoir une ferme et de vivre aux champs. Moi, j'aime les champs comme tout, savez-vous, et les vaches et les chevaux et toutes les bêtes d'abord. » Le visage des petites filles était assombri. L'aînée poussa un gros soupir et ne répondit rien. La plus jeune, Marie, plus expansive que sa sœur, s'écria tristement. « Oh, Julien, nous avons beaucoup de peine au contraire. Il y a sur la ferme des charges trop dures à ce que dit papa. Et puis, pendant la guerre, les bâtiments ont été à moitié détruits. Rien n'est ensemencé. Alors papa dit, il vaut mieux que je m'en retourne sur mer. Et maman pleure. » L'enfant, qui avait exposé la situation tout d'une haleine, s'arrêta d'un air découragé. La petite figure de Julien s'attrista à son tour. En ce moment, l'oncle Franz et André arrivèrent, et on se dirigea vers la ferme. Chemin faisant, chacun observait la campagne, en réfléchissant aux paroles désolées de la petite. Bientôt, on vit se dessiner au bas de la colline, derrière quelques noyers mutilés, les bâtiments de la ferme. « Mon Dieu !» s'écria Julien en joignant les mains avec tristesse. « Pauvre maison, elle est presque démolie. Il y a des places où il ne reste plus que les 4 murs tout noirs, avec des trous de boulets. Je vois qu'on s'est battu ici, comme chez nous. Il me semble que je reviens à Alsfalsbourg. » Et tout en marchant, Julien réfléchissait au malheur sans nombre que la guerre entraîne, après elle, partout où elle passe. Carte de l'Orléanais. C'est dans l'Orléanais que se trouvent les plaines fertiles de la Beauce, surnommées les greniers de Paris. Par malheur, vers le sud, cette province renferme des plaines stériles et marécageuses. La ville la plus importante est Orléans, 50 000 habitants. Viennent ensuite Chartres, 20 000 habitants, qui fait un grand commerce de blé. Blois, 20 000 habitants, sur la Loire, célèbre par son ancien château et ses souvenirs historiques. Vendôme sur le Loir. Châteaudun est célèbre par sa défense héroïque contre les armées allemandes. La ferme ravagée par la guerre. la guerre est toujours un grand malheur pour les peuples, quel qu'en soit le résultat, et les vainqueurs souvent n'y perdent pas moins que les vaincus. Là où les batailles se livrent, les campagnes sont dévastées. La vie entière dans tout le pays est suspendue tant que dure la guerre. L'industrie est en souffrance, le commerce est arrêté et ne reprend ensuite qu'avec peine. Néanmoins, quand la patrie est attaquée, c'est à ses enfants de se lever courageusement pour la défendre. Ils doivent sacrifier sans hésiter leurs biens et leurs vies.